J'ai prié pour m'en sortir, une fois sorti j'ai plus prié. J'ai vu des gens me faire du mal devant moi sans aucune pitié. La vie m'a fléchi mais tout ça m'a fait réfléchir. J'ai le cœur en papier donc c'est pour ça qu'on le déchire. Mentalité codée, y'en a très peu qui la déchiffrent. Moi j'suis issu de la bonne école, tu peux demander à Rachid. J'suis le poison, ouais j'suis le cadeau. Même cette voilette mène en bateau. Elle refusera jamais l'anneau si demain j'passe à la radio. Mais moi j'suis pas comme eux. Toujours d'un monde meilleur, amenez-moi qu'on ne revienne plus. Yeah. Toujours celui qu'on accuse, je ferai pas ci, je ferai pas ça. Trop de souvenirs depuis le bac à sable, je fais du rap, on est bon qu'à ça. Dans le mic, on te brûle une salle, incassable. Yeah, yeah, oui, de passage, c'est vrai. On apprend l'alphabet jeune en commençant par OCB. Oh, c'est bon, laisse ton veillant sur le terrain comme un Boumeyang. Le style, c'est Boumeyang. Demi, c'est Ling et Liang. Mais moi, je suis pas comme eux.